nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On le sait, Howard Hawks fut, avec Alfred Hitchcock, le cinéaste emblématique de la politique des auteurs prônée par les jeunes turcs des cahiers du cinéma des années 50, Truffaut, Rivette, Godard et consorts. En 1953, dans les Cahiers jaunes, Jacques Rivette signait un long article, resté célèbre, intitulé « Génie de Howard Hawks ». Films dramatiques et comédies se partagent également son œuvre, y écrivait Jacques Rivette. Ambivalence remarquable, mais plus remarquable encore, la fréquente fusion des deux éléments qui semblent s'affirmer au lieu de se nuire et s'aiguisent réciproquement. La comédie n'est jamais absente des intrigues les plus dramatiques. Loin de compromettre le sentiment tragique, elle le garde du confort de la fatalité en le maintenant dans un équilibre périlleux, une provocante incertitude qui en accroisse les pouvoirs. En 1985, sur France Culture, parmi d'autres caractéristiques de son cinéma, notamment la place qui tiennent les femmes, Noël Simsolo et Gilbert Guez analysaient cette constante proximité de la comédie et du drame dans la filmographie de Hawks qu'avait si bien saisi Rivette. C'était dans un mardi du cinéma, consacré aux comédies du réalisateur de Scarface, dans lequel on entendait l'écho de l'impossible Monsieur Bébé, de Chérie, je me sens rajeunir, d'Aller coucher ailleurs et des hommes préfèrent les blondes. Mardi du cinéma, les comédies de Hawks, une émission de Michel Cazenave, diffusée la première fois le 24 décembre 1985 sur France Culture. Réalisation Mireille Cros. Les mardis du cinéma présentent Howard Hawks. Curieusement, les gens disent Hawks égale western, Hawks égale polar, alors qu'il a fait beaucoup moins de polar et beaucoup moins de western que de comédie. Henry! Henry! Henry! You know something, Catherine? I don't mind being the first one to say it. I'd like you very much. As a matter of fact, I'd miss you if you weren't Femme, here. Femme, logique et folie. Henry, stop! Comédie de Hawks. Come back! Henry! Une production de Michel Cazenave avec Noël Simsolo et Gilbert Guez. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. La majorité des films sont des comédies, et même lorsqu'ils touchent un autre genre, la comédie y est complètement appliquée. I prefer a man who lives and gives expensive jewels. Pour prendre un exemple, Eldorado est beaucoup plus une comédie qu'un drame en tant que western. Et Rio Bravo même fonctionne sur des codes de comédie. Il y a même des historiens américains et anglais qui ont découvert que la structure de Scarface, qui est pourtant le modèle même du film noir, est une structure de comédie. Et en fait, il est vrai que la grande force de Hawks, c'est la comédie. As girls grow old and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Je pense qu'il était très jaloux de Lubitsch, qui était le prince de la comédie. Hawks et Lubitsch, c'était un problème entre eux, parce qu'ils étaient certainement les deux, bien avant Capra et Malcarré, à avoir travaillé sur la comédie de cette manière-là, et si bien qu'ils s'envoyaient des vannes, comme on dit. Il y a une anecdote célèbre, c'est un jour Lubitsch qui dit « Oui, mais maintenant, avec le parlant, toi, il dit à Hawks, tu aimes bien se faire couper la parole aux gens, c'est ton système, c'est ton truc, hein, pour que ça avance. Hein, mais il n'y a que ça, c'est un dispositif. » Et Hawks répond « Oui, mais toi, de toute façon, il faut que les portes soient fermées et qu'elles s'ouvrent. » Ce qui montre qu'il y avait une espèce de lucidité amusée. L'autre raison qui fait cette espèce d'ignorance de la comédie chez Hawks, c'est que les comédies sont tellement étincelantes, sont tellement marquées par les comédiens, que les gens s'en souviennent plus comme, vous savez, comme la génération qui a 40 ou 50 ans maintenant, on disait dans notre enfance, dans notre adolescence, un film d'Humphrey Bogart ou un film d'Errol Flynn. On ne disait pas un film de réalisateur, c'est maintenant que ça se fait. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, Les Hommes préfèrent les blondes, c'est un film de Marilyn Monroe. Le Breaking Up Baby, c'est un film de Gary Grant, et je crois que ça a aussi joué. Les acteurs ont pris plus d'importance dans l'esprit du public que le metteur en scène, et c'est pour ça sans doute que la comédie chez Hawks est moins connue, disons, du public normal, quoi, du public qui va au cinéma et qui aime des bons films. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds, diamonds, I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best, best friend. C'est vrai que quand on pense à Howard Hawks maintenant, on a une prédilection pour ses comédies parce qu'elles sont étincelantes. Et ce sont des comédies satiriques. Ça n'est pas seulement le goût du rire, il y a en elles une charge de satire, de farce, de dénonciation qui les fait survivre. Je crois qu'il faisait jouer les ressorts humains, parce que ce qui est très étonnant, c'est que c'est très délirant, et ça n'est pas méchant, on n'a jamais le sentiment qu'il règle des comptes avec qui que ce soit. Et c'est pourquoi d'ailleurs elles sont universelles. Je crois qu'elles jouent sur les ressorts humains. Le désir de changer d'identité, le désir d'être quelqu'un d'autre, le désir de simuler, le désir de transgresser, de provoquer. Beaucoup plus que... Ça n'est pas une satire sociale, non, sûrement pas. Même dans Les Hommes préfèrent les blondes, ça n'est pas une satire sociale. Dans Chéri, je me sens rajeunir, on peut dire qu'il se moque un peu des scientifiques. Mais là encore, il veut nous montrer ce que feraient les individus s'ils étaient placés dans une situation dite. Ce sont les individus qui l'intéressent, je crois. Avec leur grain de folie, toujours pas loin. Il était une fois un poisson fa, il aurait pu être poisson si, ou ré, ou sol, ou simplement poisson do, ou même un poisson un peu la. Non, non, il était poisson fa. Un poisson fa, voilà. Il n'avait même pas de dièse, et d'ailleurs s'en trouvait fort aise. C'est un truc, disait-il, à laisser à l'écart. Après, pour l'enlever, il vous faut un bécard, et un bécard, c'est une chaise qui a un air penché. Et pas de pied derrière, alors trop peu pour moi, autant m'asseoir par terre. Non, non, non, non, non, non, non, pas de dièse. Quoi ? Vous avez le front de trouver cela beau, un dièse qui vous suit partout comme un cabot ? Comme il disait ces mots, passait sur le trottoir un cabot très truité, qu'il avait vu trop tard, et qui avait ouï la fin de la harangue. Hut, dit fa in petto, j'ai mal tenu ma langue, ça pourrait me coûter poisson. C'est comme ça qu'on dit en langage poisson, on ne dit jamais chair, on dit toujours poisson. Je crois bien que j'ai mis la queue dans la saucière. Encore une expression de ce langage-là qu'on emploie au lieu de « mis les pieds dans le plat ». Mais le cabot hautain passait sans sourciller. Cependant, quand il fut passé plus qu'à moitié, d'un grand coup de sa queue, il te souffle ta fa-ha-ha. Et fa assez froissé, parti ka-un-ka-un-ka. Il s'en allait soigner son dépit de poisson au débit de boisson. Il était une fois un poisson fa. La captive aux yeux clairs, bien sûr, il y a une scène de comédie qu'il faut rappeler aux auditeurs. C'est lorsque Kirk Douglas a son doigt qui ne marche plus, on décide de lui couper son doigt, et ce qui pouvait être une scène extrêmement dramatique. Imaginons quelqu'un comme Wellman, ou je ne sais pas, quelqu'un comme Borzage filmant cette scène où on fait boire Kirk Douglas pour qu'il ne sente pas la douleur, car il n'y a pas moyen de le droguer. On lui coupe le doigt, et une fois que le doigt est coupé, l'autre est triste parce qu'il perd son doigt, et il pense à la légende des Indiens que l'on ne va pas au paradis s'il manque quelque chose de sa personne. Et au lieu de traiter cela de manière dramatique, Hawks en fait une séquence de comédie comme j'ai rarement vu, c'est-à-dire que ça commence où le vieux trappeur qui veut lui couper le doigt, il dit il faut le saouler, mais on ne va pas saouler un homme tout seul, il faut se saouler avec lui, il faut lui donner un petit coup de main. Alors finalement ils sont tous complètement ivres, le doigt est coupé dans la dérision la plus totale, et pour finir la scène, Kirk Douglas revient de sa torpeur, voit qu'il lui manque un doigt, et dit mais je ne vais pas rentrer entier au paradis si je n'ai pas mon doigt, et tout le monde ivre mort se met à chercher par terre le doigt dans la forêt. Bon, c'est une scène de comédie, c'est pas une scène de tragédie, mais intéressant parce que c'est une scène sur l'amputation et l'invalidité, qui sont quand même les grands thèmes de Hawks, et qui sont dans tous ses films, que ce soit des drames ou des comédies, et même dans les comédies, il sait jouer là-dessus. Mais on sait très très bien que la comédie, ce n'est jamais des choses agréables, enfin, quand on les traite en dérision, on savait la phrase de Chris Marker, l'humour c'est la politesse du désespoir. Et c'est-à-dire que les personnages de Hawks sont toujours à peu près les mêmes, impuissants, avec des problèmes, invalides, hystériques, névrotiques, et non pas les grands machos, comme on a eu l'air de dire. Et donc, la comédie lui permet de le traiter encore plus en dérision. David. Susan. L'impossible, monsieur bébé. Cette fois, je n'ai pas fait de bêtises. Je l'ai vraiment attrapé. Vous vous trompez. Voilà le vrai léopard. David. Oh, you're wonderful. Vous êtes merveilleux. Oh, you're wonderful. You're vous êtes merveilleux, wonderful. Vous êtes absolument merveilleux. Mais vous êtes un héros. Oh, vous m'avez sauvé la vie. I've never seen such bravery. Je ne suis pas hystérique. Vous vouliez dire quelque chose, David? Pour moi, c'est d'abord quelqu'un d'assez carré. C'est carré parce que ses premiers films sont des films d'action, des films d'hommes, des films de guerre. Mais cela se nuance quand on se dit qu'il y a chez lui une grande honnêteté. Et cette honnêteté, on la sent. Elle est inscrite dans le postulat de tous ses films. C'est-à-dire qu'elle est un des ressorts même de l'intrigue de ses films. Il y a eu un moment, un malentendu, ou un mensonge, ou une faiblesse, ou une naïveté, qui, si l'un des deux protagonistes principaux n'intervenait pas, irait jusqu'à la duplicité. Alors on joue pour savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut cacher ce malentendu, jusqu'où l'autre peut ignorer qui vous êtes réellement, ou ce que vous avez souhaité faire de lui. Il y a la manipulation. Mais ça n'est pas une manipulation méchante. Et c'est là d'ailleurs qu'on retrouve le sel de ces comédies, c'est qu'il a un peu inversé les genres. Ces hommes ne sont pas complètement hommes, ces femmes ne sont pas complètement femmes, ces hommes sont très souples. Et ces femmes ont l'air masculines, on l'a même dit misogyne, je crois qu'on l'a dit parce que dès ses tout premiers films, La Patrouille de l'Aube, il a été le premier metteur en scène, je crois, à réaliser un film sans femme du tout. C'était La Patrouille de l'Aube. Mais quand on y voit de plus près, on réalise que ces femmes sont indépendantes, sont anticonformistes, ont l'air de ne pas avoir besoin des hommes. En fait, elles en ont un besoin aigu, mais elles sont pudiques. Elles se battent, ce sont des durs à cuire. Et puis on se dit, mais attention, elles sont intelligentes, elles sont spirituelles, elles sont généreuses, elles sont courageuses, plus que les hommes, si bien qu'en définitive, elles sont profondément sympathiques. Ce sont des personnages nobles, ces femmes, qui sont d'abord données comme des asociales. Hey, vous n'êtes pas une lady? Je t'ai fait marcher, j'adore me payer la fiole des flics. C'est une qui je suis. Votre nom est... c'est comment ça Susan Vance. Non, bien sûr, c'est pas ça. Mon vrai nom, on m'appelle Julie la Boiteuse. Susie la Boiteuse. Alors, moi, j'ai une petite déchirée à mauvaise porte. Arrête. Je n'ouvrirai que si tu parles. Ouais, promis, tu en auras plein les esgourdes. Hein? Quoi? Susie, ça va pas marcher, voyons. Mais ne t'en fais pas pour moi. Bonsoir, les potes. Moi, je mange le morceau. Allez, à la royure, les gars. Et maintenant, chacun pour soi. Oh, ça va, hein. C'est pas le moment de crâner, Jerry. Jerry, il s'appelle pas Os. Tu ne connais donc pas Jerry les pincettes? Jerry les pincettes? Elle a vu ça dans un film. Ta rouquine, je l'ai vu dans un film. Parce qu'il y a une autre femme. Bien sûr, je ne donnerais pas mon jus s'il ne m'avait pas d'abord claqué. Oh, alors c'est un homme à femme. Un vrai tueur de femmes. Un vrai barbe bleue, il les tombe toutes. Just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. But the gentlemen friends who used to call, they never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks. Il aime pénétrer à l'envers, il aime renverser les portes, il aime renverser les situations, il aime renverser les genres. L'homme n'est pas homme, n'est pas ne contrôle pas l'action dans ses films. Je crois qu'il aime ça beaucoup. C'est un joueur. C'est un joueur. Il est, alors, justement, un des atouts de ses films, c'est la dimension ludique. On est là comme une bulle, on est là comme une balle sur la crête de la vague. Il aime jouer. Tout échappe à ses héros, enfin. Dans l'impossible Monsieur Bébé, du moment où Katharine Hepburn intervient, tout se déglingue. Tout se déglingue. Et Cary Grant a beau faire pour lui échapper, il n'y arrive pas. Tout se déglingue, c'est un ravage. Bon, dans Boule de Feu, Barbara Stanwyck voudrait aider Cary Cooper, elle n'y arrive jamais. En fait, il a le plus grand mal à s'imposer tel qu'il est. Dans Les couches ailleurs, c'est délirant aussi. Cary Grant est obligé d'adopter l'identité d'une femme. Dans L'impossible Monsieur Bébé, il se contentait d'enfiler un peignoir féminin. Mais dans Les couches ailleurs, il porte une perruque, il porte une jupe. Enfin, il parle comme une femme. Il est obligé de devenir une femme. Il n'y a plus de place pour sa réalité d'homme. C'est donc ludique. And here's some advice I'd like to share. Find a gentleman who is shy or bald, or short or tall, or young or old. On le retrouve ça dans Les hommes préfèrent les blondes. Également, dans Chérie, je me sens rajeunir, qui est vraiment un quiz, enfin. On se dit chaque fois, et si, et si, et si. Alors il nous montre chaque fois ce qui arriverait si. Et il va chaque fois plus loin qu'on ne le croit, et il n'est jamais essoufflé. Le film qui va le plus loin, c'est I Was a Malware Bride, traduit en France par Les couches ailleurs, mais il faut traduire le titre original. J'étais une épouse de guerre mâle. Et c'est Cary Grant qui est obligé de se déguiser en femme pour pouvoir partir, lui qui est français, avec sa femme américaine, qui est une WAC américaine, partir aux États-Unis, de se mettre en travestie. Et il y a tout un jeu sur le travestissement, sur le fait de ne pas pouvoir être avec la femme qu'on aime, sur le fait de se déguiser en femme, que l'on retrouvera dans toute l'œuvre de Hawks. Et à propos des quotas français ? Les quotas français sont complètement saturés. Je me demande si on ne pourrait pas se servir de la loi qui régit les épouses de guerre de nationalité étrangère. Mais Catherine est une citoyenne américaine. Je pensais à vous, monsieur, comme épouse. Vous avez de l'imagination. La loi parle des époux sans mentionner le sexe. L'armée ne croit pas en de telles choses. Je crois que pourtant cela marchera. Mais bien sûr, c'est merveilleux. Époux s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme. Nous sommes époux, non? Je me le demande. Monsieur, vous êtes l'épouse d'un soldat de l'armée américaine. Vous avez donc le droit de voyager en tant que son épouse. En tant que son épouse? Je t'en prie, ce serait tellement amusant. Ça marchera, tu verras, c'est le seul moyen. Voici justement la demande. Je ne veux pas être son épouse. D'ailleurs, son nom est Pochard. Excusez-moi, mais officiellement, c'est encore Gates. Pardon, c'est Pochard. J'ai 3 certificats de mariage qui en font foi. Pochard, Pochard, Pochard. Capitaine, que devons-nous faire? Indiquez votre nom, votre grade, le nom de jeune fille de votre femme. Mais voyons, elle n'a pas de femme. C'est juste pour ce papier. Écoute, tu as une femme? Non, bien sûr, mais c'était qu'une formalité. Apparemment, ces formulaires étaient destinés au mari. Bon, bon, je sais écrire. Nous savons que tu sais, chérie. Alors, il faudra procéder aux ajustements nécessaires. Quoi? Sur ces papiers. Je te dis que c'est le seul moyen. Vous les remettrez à l'officier d'immigration. Mais Catherine... Henri, ce sera simple. Au contraire, transformer un homme en femme, c'est très compliqué. Je ferai de mon mieux, merci. Au revoir. Au revoir. Pardon, un instant. Les femmes d'abord, tu le sais. Oh, je te demande pardon. Le travestissement, beaucoup de gens pensent, ah bah oui, ça, le travestissement, on pense à certaines choses de Billy Wilder, 1959. Mais si on voit les films de Hawks, je crois qu'il n'y a pas une seule comédie où à un moment, l'homme n'est pas revêtu des oripeaux féminins. Je dis oripeaux parce que soit une espèce d'uniforme, disons de soldatesse, soit c'est ces espèces de froufrous, de déshabillés, de robes de chambre déshabillées. Et c'est dans tous. On le trouve bien sûr dans Bring the Baby, où le professeur est tombé dans l'eau et il est obligé de s'habiller avec la robe de chambre de Catherine Hepburn. On le trouve dans I Was My Lord Bride, bien sûr, où il est obligé de s'habiller en femme. Mais on le trouve également dans Monkey Business, c'est ça, où Gary Grant est obligé de se déguiser également en femme sans ses lunettes, ne voyant rien lorsqu'il retombe en enfance et se retrouve on ne sait trop où. Et puis surtout, la scène peut-être la plus importante et le film qui est la clé peut-être de toute la comédie Hawksken, qui est dans Les Hommes préfèrent les blondes, où quand le détective va chez ces deux femmes dans leur cabine de bateau et qu'elles savent que cet homme a pris des photos compromettantes d'elles, elles lui renversent du whisky sur lui, elles le saoulent, elles lui mettent des cachets dans son verre, et à la fin, comme il est abîmé, comme il a le pantalon sale et tout, elles l'obligent à se déshabiller et elles lui mettent encore une fois cet oripeau qui fait toujours rire. C'est très bien que l'homme en travesti fait toujours rire. Lui met cet oripeau qui est une robe de chambre et il part moitié dormant vers sa couchette, vers sa cabine, et c'est une scène où vraiment on voit aussi pourquoi la force des comédies de Hawks met mal à l'aise, c'est que c'est un cinéaste totalement féministe. C'est la femme qui prend le pouvoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, on a souvent dit Hawks les machos, je répète, c'est une erreur. C'est la femme chez Hawks, clairement le personnage principal, le personnage qui tient la puissance et qui veut la puissance, qui la cherche. Elles sont masculines, alors c'est très frappant dans les versions originales à cause des voix. Parce que ça, bon, dans L'impossible Monsieur Bébé, Katharina Byrne était simplement libre. On pouvait dire qu'elle était libre parce qu'elle était riche, et donc insolente, et donc n'ayant pas assujetti à la société aussi étroitement que nombre de femmes. Mais dans Seuls les anges ont des ailes, il y a la voix de Jean Arthur qui est très typique, qui est très basse, qui est une voix masculine. On retrouve plus tard d'autres voix, Rosalind Russell, dans La Dame du Vendredi. C'est une journaliste, elle agit comme un mec. Elle a un comportement, des manières, une voix d'homme. Barbara Stanwyck dans Boule de Feu se bat, agit et parle souvent comme un homme. Et alors surtout, Lauren Bacall. Can I help you, sir? Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track, like the Maltese Falcon. Well, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. C'est lui qui a découvert Lauren Bacall et qui était mannequin. Il avait découvert à la couverture d'un numéro de Harper's Bazaar, un magazine de mode. Il lui a fait faire ses débuts au cinéma et avant de la faire tourner, il l'a fait travailler pendant des semaines. Il lui faisait hurler au bord du Pacifique, en haut d'un rocher, il fallait qu'elle couvre le bruit des vagues. Il voulait que sa voix soit beaucoup plus basse encore, beaucoup plus forte, beaucoup plus cuivrée encore. Et c'est un des phénomènes et un des charmes de Lauren Bacall, sa voix, avec son regard. Elle a une voix d'homme, c'est évident. Oh, you're a mess, aren't you? I'm not very tall, either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie and carry a tennis racket. I doubt if even that would help. Now, this business of Dad's, think you can handle it for him? It shouldn't be too tough. Really, I would have thought a case like that took a little effort. Not too much. Il n'y a pas d'enfant dans ces films. Il n'y a pas d'enfant, et quand il y en a un dans Les Hommes préfèrent les blondes, le petit-fils de Charles Coburn, il est très riche, il sait déjà qu'il va être puissant, il a une voix d'homme. C'est un des ressorts comiques du film. De ce petit corps de garçonnet blond sort une voix de stentor. Et c'est hilarant, mais en même temps c'est très significatif. Il n'y avait que lui pour penser à ce type de gag. Il a beaucoup joué sur les voix, beaucoup. Jane Russell, tiens, a une voix et des manières de mec. Elle est à la limite de la vulgarité, alors elle, c'est autre chose. Chacun peut observer en lui-même que les perceptions directes des sens externes, comme les images ou intuitions du sens interne, et les idées mêmes, produits élaborés de l'intelligence, venant à être réfléchies ou contemplées successivement par le moi, sous des modifications sensitives diverses, ou avec un sentiment variable de l'existence triste ou pénible, agréable ou facile, etc., se proportionne jusqu'à un certain point à ces variations quant au degré de clarté on reprend je vais pas y arriver hein. Bon, chacun peut observer en lui-même que les perceptions directes des sens externes, comme les images ou intuition du sens interne, et les idées mêmes, produits élaborés de l'intelligence, venant à être réfléchies ou contemplées successivement par le moi sous des modifications sensitives diverses ou avec un sentiment variable de l'existence triste ou pénible, agréable ou facile, etc., se proportionne jusqu'à un certain point à ces variations quant au degré de clarté ou d'obscurité, de mobilité ou de persistance, de confiance ou de doute qui imprime à ces idées un caractère particulier et comme une physionomie. Mène de Biran. Oh, regardez, le léopard est sur le toit. L'impossible, monsieur bébé. Come on, baby, come on. Viens, viens. Oh, David, make him get down. David, faites-le descendre. Vous voulez que j'aille le chercher là-haut? Well, maybe we better sing. Écoutez, chantons. I can't give you any... Well, sing, David. Eh bien, chantez. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I can give you, baby. Dream a while, scheme a while, I'll find happiness. I can't give you anything but love. Not you, it. Puis-je vous demander ce que vous faites? Si c'est un pari, allez chanter ailleurs. Il y a un léopard sur votre toit. Oh, gardez vos réflexions saugrenues pour vous. Mon léopard est sur le toit. Je chante pour le faire descendre. Il n'y a rien sur mon toit. Ah, vous ne me croyez pas? Il n'y a rien sur votre toit. D'accord, il n'y a rien sur votre toit. Coup sur coup, il a fait deux comédies extrêmement célèbres aux États-Unis, l'une étant plus célèbre en France qu'aux États-Unis, c'est Breaking Up Baby, là, c'est Monsieur Bébé. Mais juste après, il fait La Dame du Vendredi. La Dame du Vendredi, c'est l'adaptation d'une pièce célèbre, Front Page, qui a été tournée plusieurs fois au cinéma, et dont les deux personnages principaux sont un journaliste et son patron. Et là, il a l'idée d'inverser et de faire que le journaliste soit joué par une femme. Cette femme, il prend une actrice importante à l'époque, mais pas tellement. Mais bon, le patron, c'est Gary Grant, qui était déjà la vedette de Breaking Up Baby. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prépare une comédie, il dit « Qui peut bien jouer une comédie actuellement ?» Alors c'est Gary Grant, et il a un grand problème à la fin de sa carrière, c'est quand il veut tourner après Atari, ce film « Le sport favori de l'homme »,« Man's favorite sport », où Gary Grant refuse de le jouer. Gary Grant dit « Tu vois, à mon âge, je peux pas, on s'imagine pas, moi, avec 4 minettes qui s'intéressent à moi, c'est pas possible, je veux pas le faire, je peux pas le faire, Hawks, tu te trompes, je n'ai plus le physique pour jouer cela. » Et dans ce cas-là, il cherche et il prend Rock Hudson, qui était une grande vedette à l'époque, mais vedette de mélo, surtout, les films de cirque. Et c'est vrai que Man's Favorite Sport n'a pas été le succès espéré, et Hawks, une fois, ça confirmait son idée, c'est-à-dire qu'il faut prendre le meilleur, le plus commercial des acteurs, et avec ça, on fait ce qu'on veut, et non pas le contraire. C'est-à-dire que trop souvent, certains cinéastes américains disaient, avec un casting de moins star, je vais pouvoir faire, moi, mon film à moi, et lui savait très bien ce qu'il pouvait attendre d'un garçon comme Gary Grant, ce qu'il pouvait attendre de quelqu'un comme Catherine Hepburn, et avec, disons, ces comédiens-là, il pouvait, ciseler son travail de mise en scène qui était double sur les comédies. D'abord, des structures absolument imparables, je veux dire, c'est quand on voit le rythme et comment les séquences se suivent et montent jusqu'à un certain degré de paroxysme. Et deuxièmement, ce système que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'il a inventé, c'est-à-dire cette espèce de manière dont les gens se coupent la parole. Et ça, il fallait des acteurs fabuleux pour le faire, pour ne pas que ce soit des cabots qui essaient de se couper la parole, mais un rythme. Et son film le plus évident là-dessus est un film, hélas, très peu connu en France, qu'on appelle Train Luxe, 20th Century, où il se permet le luxe d'avoir John Barrymore et Carole Lombard, qui font d'un film qui aurait dû faire, je ne sais pas, 2 heures normalement, ça fait un film d'1h20, tellement le rythme est fou, et en même temps, la mise en scène est obligée de suivre ce rythme de parole, dans l'espace de comment sont placés les acteurs, comment ils parlent, le montage également, et en fin de compte, ça donne un genre cinématographique qui est bien sûr la comédie, mais la comédie de Hawks, qui est très différente de tout ce qu'on a vu dans le cinéma. Alors qu'il aimait bien les choses très articulé, très serré, il fallait serrer jusqu'au dernier boulon dans des films qui traitent de l'illogisme, de la folie, de la fantaisie. Il s'est amusé une seule fois à improviser dans Atari. Et Atari, encore une fois, est très différent des autres. Atari Bar. Oui, monsieur, ils sont là. Allô, docteur? Comment va-t-il? Est-ce que ça lui a fait très mal? Il n'y a pas eu d'anicroche? Est-ce que tout s'est bien passé? Il ne dit rien du tout. Faudrait que tu t'arrêtes de parler pour qu'il place un mot. Allez-y, docteur. Hein? Sans blague. Merci, docteur. Il dit que ça va, qu'il demande à boire et qu'il fait du plein à la garde. C'est bon signe. Merci, docteur. Je vous téléphonerai demain. Parfait. Newman! Oui, monsieur. Une autre tournée. C'est pas un western, c'est un film d'action, c'est un film psychologique, c'est un film nostalgique. Il y a des ruptures de ton, il y a des moments paresseux, il y a des moments de charme. Il y a des moments même où on est au carrefour, on a l'impression que lui-même est à l'arrêt, ne sait pas quelle direction prendre. Et c'est encore un des grands charmes d'Atari. Il a improvisé, il a obéi au paysage, à l'Afrique, aux comédiens. Il aime être surpris le premier, je crois, et il aime nous montrer que la vie est pleine de surprises. Je crois que c'est ça, chez lui. Il y a une grande fraîcheur chez lui, une grande vivacité. Et alors surtout, ce qui est très très agréable à vérifier, c'est qu'il n'a jamais été racoleur, il n'a jamais été mode. Ses films ne vieillissent pas à cause de ça. Il ne s'est pas mis sur des sujets bateaux. Il n'a traité que de ce qui l'intéressait. Il n'a pas traité la psychanalyse ou de la comédie d'humeur parce que c'était la mode. Pas du tout, c'est parce que c'était ce qu'il avait envie de faire à ce moment précis de sa vie. Comme on le connaît assez peu, il s'est assez peu exprimé. Moi, je me suis amusé au jeu du double. Quand on ne connaît pas très bien un réalisateur, on se dit, voyons, en qui se projette-t-il le mieux? Bon, pas dans les femmes, pas dans son cas, dans les hommes. Alors, dans les hommes, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Parce que, il est évident que quand on fait appel plusieurs fois à un même interprète, c'est qu'on est en accord, ou il est en accord avec votre respiration personnelle, vos options morales. Et puis qu'il est ou ce que vous voudriez être, ou ce que vous croyez être. Alors d'abord, il y a Gary Cooper, qu'il emploie pour la première fois dans Après nous le déluge, scénario de William Faulkner, et que l'on retrouve dans Sergent York en 41, et que l'on retrouve dans Boule de feu la même année en 41. Alors on se dit, c'est un des premiers doubles peut-être de Hawks, c'est-à-dire clair, honnête, idéaliste, opiniâtre. Qui a l'air fragile, mais on ne le possède pas parce qu'il est opiniâtre, il va jusqu'au bout de ses idées. Il y en a un deuxième, alors plus sophistiqué, plus brillant, plus souple, plus désinvolte, c'est Cary Grant. Et ça peut coller aussi parce qu'il a employé Cary Grant 3 fois d'affilée. Ça ne peut pas être un hasard quand il l'emploie en 38 dans L'impossible Monsieur Bébé, en 39 dans Seuls les anges ont des ailes, en 1940 dans La Dame du Vendredi, et qu'il le reprend en 49 dans Les couches ailleurs et en 52 dans Chérie, je me sens rajeunir. Il devait donc se sentir bien dans l'image de Cary Grant. Il y a Bogart dans Le côté taciturne, faux loser, solitaire, qui aimerait qu'on lui fiche la paix, et qui est le port de l'angoisse et le grand sommeil. C'est peut-être le côté bourru, taciturne, solitaire, en marge des modes, justement, en marge de la société. Et puis, il y a John Wayne tout à fait à la fin, qui est le dur à cuire, mais qui a gardé toute son humanité, qui a gardé de l'humour, qui sait qu'il faut en prendre et en laisser, que l'essentiel est de continuer. Alors c'est John, le John Wayne de La Rivière Rouge en 48, de Rio Bravo en 58, de Atari en 62, et de son dernier film, non, pas son dernier film, Eldorado en 66. Son dernier film étant Rio Lobo. Moi, je crois que Hawks est derrière ces 4 acteurs-là. Ce portrait sur le mur, qui est-ce? N'est-ce pas un de vos frères? Ah oui, oui. Oui, vous m'y faites penser maintenant. C'était un mien frère, William. Bill, comme nous l'appelions. Pauvre vieux Bill. Quoi? Il est donc mort? Certainement. Du moins, je le suppose. On n'a jamais pu savoir. Il y a un grand mystère là-dessous. C'est triste. Bien triste. Il a disparu, n'est-ce pas? Oui, d'une certaine façon, généralement parlant. Nous l'avons enterré. Enterré? Vous l'avez enterré sans savoir s'il était mort ou vivant? Qui diable vous parle de cela? Il était parfaitement mort. Ma foi, j'avoue ne plus rien comprendre. Si vous l'avez enterré, et si vous saviez qu'il était mort... Non, non, non, non. Nous pensions seulement qu'il l'était. Ah, je vois, il est revenu à la vie. Je vous parie bien que non. Eh bien, je n'entendis jamais raconter chose pareille. Quelqu'un est mort, on l'a enterré, où est le mystère là-dedans? Non, mais là, justement, c'est ce qui est étrange. Il faut vous dire que nous étions jumeaux, le défunt et moi. Et un jour, on nous a mêlés dans le bain alors que nous n'avions que 2 semaines. Et un de nous a été noyé. Mais nous ne savons pas qui. Les uns croient que c'était Bill, d'autres pensent que c'était moi. Oh, c'est très curieux. Et quelle est votre opinion personnelle? Dieu le sait. Je donnerai tout au monde pour le savoir. Ce solennel et terrible mystère a jeté une ombre sur toute ma vie. Mais je vais maintenant vous dire un secret que je n'ai jamais confié à aucune créature jusqu'à ce jour. Un de nous avait une marque, un grain de beauté fort apparent sur le dos de la main gauche. C'était moi. cet enfant est celui qui a été noyé. Il aime le dialogue. Il a fait appel à ses tout premiers films. Il a fait appel pour ses tout premiers films à Ben Hesh, qui est un auteur dramatique. Et une des grandes qualités de ses films tient au dialogue, qui sont éblouissants chaque fois. Éblouissants. Alors en plus, il est quelqu'un qui est fasciné par les possibilités d'un scénario. Il pousse un postulat jusqu'à sa plus extrême limite. C'est là qu'on dit qu'il est délirant. Et l'exemple type, c'est le sport favori de l'homme. Il y a une jubilation intellectuelle parce que chaque situation donne tout ce qu'elle contient de folie. Et on atteint au vertige. Bon, mais ceci ne serait pas faisable s'il n'y avait que l'action. Il faut donc illustrer ça par du dialogue. Et le dialogue est un régal chez lui, parce qu'il est constamment déconcertant et juste. On est toujours au bord du vertige. On tombe, il nous fait tomber plusieurs fois. Il joue à nous faire tomber. On se casse la gueule avec Hawks. Ce qui passionnait Hawks au-delà de tout, c'était le moment où le dérapage devenait une évidence et devenait la vraie ligne. C'est-à-dire, ça n'intéressait pas de prendre un film avec monsieur un tel, madame un tel, qui allait du point A au point Z, simplement, genre, vous voyez, film de Stahl, je pense à ce film très célèbre, Backstreet, des choses comme ça. Non, ce qui l'intéressait, lui, c'était, il y a une clôture, et dans cette clôture, on ne fait que zigzaguer. Je dirais même que la plus grande influence qu'il a eue sur un autre cinéaste, c'est sur Tex Avery, quelque part. Je veux dire, une espèce de folie comme ça, de destruction. Aussi, il avait commencé sa carrière en mettant en scène, plus ou moins en écrivant, des sketchs pour Monty Banks, qui était un comique de l'absurde et du burlesque. Ça l'avait beaucoup frappé. Et lorsqu'il a eu les mots à mettre, c'est là que ça s'est passé. Tous les autres cinéastes, quand ils ont commencé à faire du parlant, bon ben, ils ont fait attention à ce que disaient les gens, ce qu'il fallait dire. Et lui, il a eu l'idée, justement, de faire une espèce de changement à cela, et que les mots comptaient plus pour comment ils pouvaient, disons, se détruire les uns les autres et s'harmoniser. Appelons, on joue comme ça sur le langage, on ne peut pas rester sur une ligne unique. Il faut forcément des dérapages, des digressions, des folies. Votre honorable ami, Mr. John William Block, de Virginia City, entra dans le bureau du journal où je suis sous-directeur à une heure avancée, hier soir. Son attitude exprimait une souffrance profonde et poignante. En poussant un grand soupir, il posa poliment sur mon bureau l'article suivant et se retira d'un pas discret. Un moment, il s'arrêta sur la porte, parut lutter pour se rendre maître de son émotion et pouvoir parler, puis, remuant la tête vers son manuscrit, il dit d'une voix entrecoupée « Mes chers amis, quelle triste chose !» et fondit en larmes. Cet article, le voici. Désastreux accident. Hier soir, vers 6 heures, comme Mr. William Schwiller, un vieux et respectable citoyen de South Park, quittait sa maison pour descendre en ville, suivant sa coutume constante depuis des années, à l'unique exception d'un court intervalle au printemps de 1850, pendant lequel il dut garder le lit à la suite de contusions reçues en essayant d'arrêter un cheval emporté, et se plaçant imprudemment juste dans son sillage, les mains tendues et poussant des cris, ce que faisant il risquait d'accroître l'effroi de l'animal au lieu de modérer sa vitesse, bien que l'événement ait été assez désastreux pour lui et rendu plus triste et plus désolant par la présence de sa belle-mère, qui était là et vit l'accident, quoiqu'il soit cependant vraisemblable, sinon indispensable, qu'elle eût dû se trouver en reconnaissance dans une autre direction au moment d'un accident, n'étant pas en général très alerte et très à propos, mais tout le contraire, comme fut, dit-on, feu sa mère morte avec l'espoir confiant d'une glorieuse résurrection il y a 3 années passées, à l'âge de 86 ans, femme vraiment chrétienne et sans artifice comme sans propriété par suite de l'incendie de 1849 qui détruisit tout ce qu'elle possédait au monde, mais c'est la vie. Faisons tous notre profit de cet exemple solennel, nous efforçant d'agir de telle sorte que nous soyons prêts à bien mourir quand le jour sera venu. Mettons la main sur notre cœur et engageons-nous avec une ardeur sincère à nous abstenir désormais de tout breuvage enivrant. Le Calédonien, première édition. L'impossible, monsieur bébé. Tout ce que répond d'absurde Catherine Hepburn dans ce film est imparable, on ne peut rien répondre en compte, mais ça oblige pour communiquer à suivre cette mise en scène de l'absurde qu'elle impose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas langage sans mise en scène. Et si on regarde tout le cinéma de Hawks, comédie et non-comédie, il y a toujours un personnage qui impose sa mise en scène à l'autre, qui l'impose et l'oblige à la conduire. Je crois que la comédie la plus folle là-dessus, pour moi, ce serait Ball of Fire, Boule de Feu, où un Gary Cooper travaille sur le langage, dans une institut privé, une étude, enfin une fondation, comme on dit aux États-Unis, et brusquement, il découvre que l'argot existe. Et il ne connaissait pas l'argot. Et il va sortir de cette clôture pour aller dans la autre clôture qui est New York, et il va essayer de voir ce que c'est que l'argot. Et il va rencontrer une jeune femme dont l'amant est recherché par la police, elle doit témoigner, qui va venir se réfugier dans la fondation, et qui va complètement obliger tous ces petits nains, enfin comme les sept petits nains et blanches nains de cette fondation, à arriver à son langage, à elle. Et à conduire, disons, ses méthodes de langage. Et la mise en scène, elle va l'imposer aux autres, si bien que tous ces personnages qui avaient une espèce de mise en scène collective, de la recherche et tout, très savante et tout, vont être projetés dans un autre univers qui est un langage décalé, qui est l'argot. Bon, et lorsqu'il refait un remake, qu'il rate un peu, mais sur la musique, avec le même thème, qui est Song is Born, avec Danny Kaye, sur le jazz, il prend l'idée de musique et c'est pareil. Le jazz n'est plus là pour faire une musique aussi structurée que la musique classique, mais au contraire pour montrer cette espèce de côté imparable de la musique de jazz qui oblige les gens à se mettre à trembler des mains, à suivre les lignes et à être admiratif et être mis dans une situation diverse. Et là, je crois que l'idée de mise en scène, musique et langage, c'est une chose qui est toujours en même temps dans l'esprit de Hawks. Hawks a rarement utilisé la musique comme les autres cinéastes hollywoodiens, c'est-à-dire comme des liants ou comme des choses qui font passer les éléments. Elle arrive toujours d'une manière au même niveau que les sons, que les bruits, que les mots qui vont être dits. Elle peut souligner, elle peut décaler. Par exemple, quand Max Steiner, qui avait l'habitude de faire 100% de musique sur les bandes-son, travaille avec lui, et Hawks lui fait comprendre, attention, il y a les dialogues, et ces dialogues vont dans des choses que peut-être sur le premier regard et l'écoute, ça paraît pas important, on comprend dessus, mais vaut mieux peut-être pas en mettre là ou la mettre d'une manière qui va encore plus loin dans le décalage. Et ce plaisir de décalage fait également le plaisir des acteurs à le jouer. Un acteur qui a joué sans arrêt la même chose, ça ne les intéresse pas. Et cette espèce de folie que le langage, c'est la folie. Le langage, c'est le sexe. Parce que c'est peut-être ça, vu qu'on a parlé de vulgarité, mais de sexualité, de psychanalyse. Je crois que où Hawks comprend quelque chose avec, disons, les pulsions d'émotion, je veux dire, bon, la musique, ou avec, disons, les pulsions de volonté de structure et de pouvoir qui sont les mises en scène. Chacun fait une mise en scène à quelqu'un pour prendre le pouvoir. Des mises en scène parfois se combattent, comme dans Rio Bravo, bon, ou dans Le Sport Favori de l'Homme. Eh bien, devant tout ça, Hawks a l'air de dire, voilà, le langage, c'est ça, le phallus. J'ai rarement vu dans Hawks une scène très normale où quelqu'un dit « je vous aime, moi aussi » et s'embrasse. Ça n'arrive pas. Les gens commencent par se rentrer dedans, par se parler, par aller chacun dans des lignes parallèles, ou si on veut rejoindre l'autre, il faut aller dans sa parallèle, sa diagonale du fou, si j'ose dire, de la folie, et là, ça va très très loin. Plus que jamais fidèle à la méthode psychologique, au lieu de sortir de l'observation, je m'y enfonçais davantage et c'est par l'observation que, dans l'intimité de la conscience et à un degré où on n'avait pas encore pénétré sous la relativité et la subjectivité apparente des principes nécessaires, j'atteignis et démêlais le fait instantané mais réel de la perception immédiate de la vérité, à perception qui, ne se réfléchissant point elle-même, passe inaperçue dans les profondeurs de la conscience, mais y est la base véritable de ce qui, plus tard, sous une forme logique et entre les mains de la réflexion, devient une conception nécessaire. Toute subjectivité, avec toute réflectivité, expire dans la spontanéité de la perception. Victor Cousin. Il y a un plaisir de l'absurde. Moi, je vais dire un mot qui est un peu trop à la mode actuellement et les gens ne savent pas trop ce que c'est, mais presque pataphysique. Il y a vraiment, c'est pas pour rien que des gens comme Boris Vian ou des gens comme Queneau admiraient les comédies de Hawks. Parce que c'est, et le film le plus pataphysique de tous, ça serait quand même, chérie, je me sens rajeunir. D'accord, je joue au Maypole si vous me dites où est Madame Fulton. Ok, c'est gentil de jouer avec nous au Maypole. Reculez contre l'arbre et tenez cette corde en l'air. D'accord. Va prévenir Madame Fulton. Je veux voir un peu. Tu as promis d'y aller si je jouais avec vous, Maipo. Je lui dis quoi? Que je suis ici. Hey, c'est trop fort, je peux plus bouger. Tu peux sortir, aigle rouge. Le thème est quand même très simple, comment redevenir jeune avec un sérum, et comment à partir de là on se prend pour un jeune homme, et comment on finit par détruire son couple mais le sauver quand même, avec des personnages très sérieux qui finissent par courir avec des siphons derrière une fille qui a des belles fesses pour lui. Bon, ça, on est complètement dans l'univers de l'absurde, on est dans le théâtre de l'absurde, et la modernité de Hawks que Jacques Rivette avait très très bien senti par ce film justement, par Monty Business, c'est que si l'on veut aller dans la destruction par le langage, tout en refusant que le langage devienne l'absurdité totale, si l'on veut, le lettrisme, mais il a une apparence de réalité, il a une apparence de compréhension, il est imparable parce qu'on comprend. Mais on comprend, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc il faut se mettre avec elle, soit en rire, nous spectateurs, mais l'acteur dans le film doit finir par se mettre avec elle, pour soit la combattre, soit y entrer, soit en faire sortir l'autre. Là, on a l'essence même de la comédie Hawks, qui est, il n'y a pas de réalité sans langage, et il n'y a pas de langage sans des accrocs à la réalité. Si vous voulez, on est un peu comme une balle de tennis avec le cinéma de Hawks. C'est-à-dire que, ou on est mis out tout de suite, et dans ce cas-là, on regarde ça, et vous voyez, les gens qui n'aiment pas Hawks, c'est les gens qui ont été mis out dès le début, dès les premiers plans du film et tout. C'est idiot, c'est bête, c'est le mot qu'on entend, c'est bête. Vous savez, ça a été très attaqué, Hawks, dans les années 50. Hein. Ils ont défendu les cahiers comme ils pouvaient, parce qu'on disait, mais comment Hawks, qui a fait des chefs-d'œuvre aussi dramatiques avant, comment elle peut faire des films comme Les Hommes préfèrent les blondes, qui est idiot, Chérie, nous en jeune, qui est stupide, Aller coucher ailleurs, ça ne veut rien dire. C'était très attaqué, parce qu'en effet, là, la balle était out. Et à partir du moment où l'on accepte d'être une balle qui se laisse aller par les coups de raquette qui sont les acteurs dans le film et la mise en scène, eh bien, on fait un trajet permanent, et c'est le plus long échange de service qu'il peut y avoir, parce qu'au bout d'une heure et demie, c'est fini, et finalement, on a voyagé en l'air de manière merveilleuse, entre un tas de choses, et on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en l'air, ou est-ce que j'essaie, moi, d'apprendre à jouer au tennis? Qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Nous parlions de la fameuse girafe de l'année dernière, tu te rappelles? Ah, quelle aventure! Elle était tombée sur les genoux de John. Et elle avait atterri sur les capots. Elle faisait près de 5 mètres de haut. Et après nous être donné tant de mal, on a été obligé de la relâcher. Pourquoi? On n'a pas pu l'amener à mon bassin. Elle avait un cou si long qu'elle ne pouvait pas passer dans le tunnel. Je vous apporte un verre? Non, merci. Mi bémol. Quoi? Bémol. Non, c'est un mi bémol. Si vous êtes si calé, venez. Je vous ferai remarquer que je l'ai joué à deux mains. Thank you. Il a d'abord traité des rapports d'action, de guerre, bon, dans ses films de guerre, ses films d'aviation. Mais c'est vrai qu'il s'est épanoui dans ses comédies. À mon avis, d'ailleurs, même ses comédies sont plus significatives, lui ressemblent davantage que ses westerns. Je crois que c'est là qu'on a vu que c'était un grand cinéaste. Parce qu'il était scénariste, réalisateur, producteur. Il était un auteur. Il est devenu auteur avant un très grand nombre d'Américains et bien avant la Nouvelle Vague. Si vous voulez, d'ailleurs, on peut parler de ça parce qu'il a l'air d'avoir des débuts faciles. Il est d'une famille aisée. Il n'a pas eu le déclic pour le cinéma, personne ne lui a parlé du cinéma en premier, mais tout d'un coup, pendant ses vacances, en 1916, il profite, comme beaucoup de jeunes Américains, de ses vacances pour travailler. Il devient accessoiriste dans des studios, les Famous Players Lasky, qui vont devenir plus tard la Paramount. En 1917, il a 21 ans, il participe à la Première Guerre mondiale dans l'aviation. Ensuite, il obéit à son goût pour les courses automobiles, il devient pilote automobile, et c'est après seulement qu'il revient à Hollywood, mais à Hollywood, il commence comme producteur. Il est d'abord producteur de plusieurs films d'Alan Doane, et ensuite scénariste. Il devient directeur des scénarios. Vous savez qu'il y avait des espèces de poules, il y avait des équipes de scénaristes en Amérique. Chaque film comportait une demi-douzaine de scénaristes, il y en avait peut-être 3 ou 4 à l'affiche, et en réalité, il y en avait 6, 7, 8. Donc déjà, il coordonnait, il prenait le meilleur de chacun. C'est ce qui voulait dire déjà qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être un scénariste à part entière lui-même. Et ensuite seulement, il est devenu réalisateur. Alors on disait qu'il avait abordé la réalisation avec une comédie satirique, Sa Majesté la Femme. Mais les premiers films significatifs sont La Patrouille de l'Aube, premier film sans femme, Les Chemins de la Gloire, Encore la Guerre, Encore l'Aviation, et après... Seuls les anges ont des ailes. Ah oui, je voulais dire, en fait, on croit qu'il a eu la vie facile. Il a eu des différends à Hollywood. Il a eu des différends en 1934. Après son grand succès Scarface, on aurait pu dire que ça l'aurait mis à l'abri des déconvenus. Il a eu un différend avec Louis B. Mayer. Il a renoncé à Viva Villa que Jack Conway a signé. En 1936, 2 ans plus tard, il a un différend avec Samuel Goldwyn. Il renonce au film Le Vandale que signera William Wyler. Et en 1940, il a un différend avec Howard Hughes et il renonce au Banni, qui était aussi le premier film, qui était la découverte de Jane Russell, qui reprendra des années plus tard dans Les Hommes préfèrent les blondes. Donc il a du caractère. Il est producteur, il est scénariste, il est réalisateur, il a du caractère, il ne se plie pas au moule hollywoodien. Il fait ce qu'il aime, comme il l'entend. Et il n'a pas de suiveur, mais il n'a pas de maître non plus. Parce qu'on peut dire des grands réalisateurs de cette époque, ils avaient des maîtres. Griffith, Schroheim, enfin, ils avaient des maîtres. Lui, non, il n'en parle pas. Je crois qu'en fait, il raconte le plus simplement du monde ce qui l'intéresse. Savez-vous danser avec le rouge? Bien sûr. Ah, ça ne vaut rien. Il faut chanter en dansant. Allez, on va chanter. Donne-moi le rythme. Attention. Tam, tam, tam, tam, tam. Me want a wampum. Me want a wampum. Me, you go. We want a warm hug. We want a warm hug. Hug a hug a gloop gloop. Hug a hug a gloop gloop. Hug a hug a gloop. You go. Ah ho ho ho. Ah ho ho ho. Ah ho ho. Ah ho ho. Stop on Broadway. Stop on Broadway. Tous les films de Hawks sont faits sur une clôture. Les gens sont dans une clôture, soit morale, soit de société, soit de lieu. Bon, clôture marquée comme étant décor, un décor bien précis. Bon, par exemple, dans Aller coucher ailleurs, I Was Mal or Mine, on est à la fin de la guerre, on est dans un camp où les troupes alliées se préparent, disons, à occuper en partie l'Allemagne et puis à la quitter. Et de clôture en clôture, on arrive à la plus forte des clôtures, c'est le bateau sur lequel on est enfermé, la cabine, avant d'arriver aux États-Unis. Mais chaque clôture, peu à peu, fait tomber les apparences et les masques, disons, du personnage masculin. Bon, mais la clôture, c'est également dans le bateau qui est vraiment le thème principal. principal du film Les hommes préfèrent les blondes, c'est le laboratoire et des recherches, disons, de Monkey Business, c'est-à-dire qu'il s'appelle en français Chérie, je me sens rajeunir. Bon, il y a toujours cette clôture-là. Et dans cette clôture, à un moment, c'est le saut quantitatif, c'est le moment où, arrivé à un certain point de rapport plus ou moins faux, basé sur les apparences, le social, le reconnu, il va y avoir la mise à nu. Mais la mise à nu ne peut pas rester chez Hawks, donc la mise à nu passe par un maquillage, un travestissement imposé par l'un ou par l'autre, qui est généralement soit le retour à l'enfance totalement, par l'attitude, devenir un personnage, quand c'est une femme, c'est un personnage de dessin animé, comme le devient Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes, soit un personnage, disons, de nymphomane frustré avec la caricature de l'Hollywood de l'époque, comme les Jeanne Russell dans le même film, soit par ce passage où la frontière entre l'homme et la femme est complètement basculé par le ripo, mais aussi par l'attitude. C'est-à-dire que finalement, dans Hawks, on ne voit que des hommes se faisant violer. Ce n'est que ça, tout son cinéma. I can't play tennis, my golf's a menace, I just can't do the Australian crawl. And I'm no better at volleyball, ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? Pathetic and non-athletic, can't keep up in a marathon. I need some shoulder to lean upon and a couple of arms to hold. Et c'est ça qui est assez écœurant, quelque part, pour le spectateur, c'est que le père est toujours montré comme quelque chose d'atroce, le père. La femme est quelque chose de dangereux, c'est la nature hostile. Et de film en film, elle deviendra au contraire la nature positive. Et il y a une espèce de volonté de solitude et de peur de solitude, parce que dès qu'on accepte de regarder les autres dans cette clôture, on change. Et c'est un peu le spectateur qui est dans la salle, qui rigole bien à la comédie, mais s'il veut aller un peu plus loin que rigoler, c'est dur de qu'il reste lui-même, hein, parce que la catharsis doit avoir lieu. Parce que finalement, ce qu'il voit sur l'écran, c'est son comportement à lui, et un comportement beaucoup plus imparable et violent, car jouant sur la psychanalyse, que celui de l'admirable Capra, qui joue sur les faits sociaux uniquement, lui. Quand il fait ses films contestataires ou très progressistes de la fin des années 30 et 40, ou encore de Lubitsch, qui lui joue sur un autre type de codification beaucoup plus abstraite et beaucoup plus du problème l'Europe et l'Amérique, et parce qu'il sait très très bien que l'Amérique n'existe pas, ce sont les Européens qui sont venus la faire. Mais chez Hawks, là, c'est directement lié, il n'y a pas de problème, à la psychanalyse. Je crois qu'il sent quelque chose. Sent quelque chose, c'est vrai. Descends, bébé. Il est évident qu'on n'a pas envie de faire du Lacan si on veut en regarder un film de Hawks, parce que c'est beaucoup trop brillant, léger, simple, fort, c'est du champagne. Mais en même temps, ça touche des choses extrêmement crues chez l'individu qui le voit. Chez l'homme d'abord et chez la femme, parce que les femmes soumises, voyant ce film-là, se disent « mais finalement, je suis idiote d'être soumise. Cette femme-là, elle est forte, même si elle a l'air folle. » Et les hommes se disent « est-ce que je suis un macho ? Finalement, je suis un peu plus comme l'autre. » Donc le phénomène spectateur est mis en spectacle par des personnages qui sont des stars, en plus, dans lesquels on a envie de se projeter. Qui n'a pas eu envie d'être Gary Grant ? Bon, ça crée cette espèce de symbiose à l'envers, et qui est peut-être l'essence même du cinéma de haut, c'est-à-dire, il y a deux clôtures, il y a celle de l'écran, il y a celle où vous êtes dans la salle, et puis vos clôtures morales, et vos tabous, et vos blocages, et moi je m'amuse avec tout ça pour ne pas m'y mettre. Parce que Hawks, il y a ce côté hautain, distant, il ne veut jamais s'impliquer directement. Il montre à voir, c'est peut-être le plus brechtien, je dis ça avec humour, des cinéastes américains, jamais il ne s'implique directement dans son discours. Jamais, jamais. Lui n'arrête pas de se cacher. Donc il ridiculise les hommes pour ne pas avoir à se ridiculiser lui. Et ça, c'est intéressant. Thank you. De m'en tenir. Hein? Va-t'en, toi, c'est ta faute, tout ça. C'est la femme qui chasse l'homme. Et selon les moments, elle transforme sa tactique de combat et de chasseuse, c'est difficile à dire. Mais moi, je pense justement à est-ce une comédie, n'est-ce pas une comédie, mais enfin peut-être au plus beau film de War Hawks, qui est Seuls les anges ont des ailes, où cette femme débarquant dans cet aéroport finit par posséder le personnage de Gary Grant en le brûlant de deux manières. Enfin bon, lui, il se brûle sans arrêt, il n'a jamais d'allumette. Enfin bon, la puissance est assez bien définie. Et les personnages sont de plus en plus invalidés tout le long du film. Ils ne peuvent plus conduire l'avion parce qu'il y en a un qui a un bras qui est cassé, l'autre, il a un autre problème. Et à la fin, elle tire sur Gary Grant, elle lui tire dessus, le brûlant. Et c'est là, finalement, qu'il est obligé de reconnaître que, bon, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est-à-dire, ce coup de revolver, c'est le moment, alors là, en parlant de psychanalyse, c'est le moment où c'est elle qui prend le pouvoir de tirer, je pense qu'on comprendra ce que je veux dire, et là tout ce qu'est l'univers de Gary Grant s'effondre et il n'a plus qu'à accepter maintenant, disons, qu'elle soit là pour avoir le feu que lui n'a jamais eu. Bon, et ça c'est sans arrêt cette espèce de chasse qui passionne Hawks, qui est aussi quand même le plan le plus révélateur, c'est celui dans L'impossible Monsieur Bébé, où tombant l'un et l'autre, disons, dans la campagne en cherchant cette os de Diplodocus, ou Brontosaure, je ne sais plus, qu'est-ce qui se passe, c'est que le filet à papillon pour essayer d'attraper le chien qui aurait l'os, déjà on voit l'humour, ce papillon tombe sur le visage de Gary Grant, et à ce moment, on sait, on comprend que tôt ou tard, elle l'aura, par cette espèce de grillage. Et comme par hasard, la séquence où tout va s'expliquer entre eux, ça se passe dans une prison, après. Ou dans cette prison, en jouant la comédie, le personnage de la femme oblige le personnage de l'homme à suivre la comédie et à être complètement mis en péril à tous les niveaux. Elle joue la comédie au shérif, à tout le monde et tout, elle joue à être la dure, jusqu'à temps que toute la réalité et la fiction se mêlent, on ne sait plus où on en est, la nature hostile du léopard méchant et le léopard apprivoisé se mêlent, on ne sait plus qui est le bon et qui est le vrai, et tout va se résoudre à la fin, que lorsqu'ils vont enfin être eux-mêmes, tout leur passé va s'écrouler, c'est-à-dire le brontosaure qui avait été enfin reconstitué, va s'écrouler parce que ce qui compte à ce moment-là, ça n'est plus l'histoire, ça n'est plus la culture, ça n'est plus quoi que ce soit pour Hawks, c'est deux personnes qui sont arrivées au stade d'égalité. Et je crois qu'en fin de compte, ça serait une erreur de dire la femme, la prise de possession de la femme chez Hawks est pour l'avoir à sa botte, c'est pour lui dire nous pouvons être la même chose. A priori, elles se suffisent à elles-mêmes. Elles ont un statut dont elles sont contentes, elles sont indépendantes, elles sont autonomes. Et c'est au fur et à mesure que l'homme qui devient leur victime, leur jouet, les met en état de dette. Il y a un moment, parce qu'elles sont honnêtes, où elles se disent qu'il faut compenser. Et c'est là qu'elles commencent à devenir victimes des sentiments. Mais d'abord, elles sont autonomes et elles n'ont pas besoin de l'homme. Toujours. De Jean Arthur à Seuls les anges ont des ailes, à Bacol, dans Le port de l'angoisse, dans Le grand sommeil, elles n'ont pas place pour l'homme. Avant que vous n'alliez plus loin, je crois devoir vous dire que vous n'êtes pas seule. Je vous ai attendu, il n'y avait personne et il se faisait tard. Salut. Il me fallait une chambre. Et ma foi, j'en ai pris une au hasard. Je suppose que c'est la vôtre, j'espère que ça ne vous ennuie pas. Oh, pas du tout, mais... Tant mieux, comme ça je vais... Qui êtes-vous ? Anna Maria d'Alessandro. Qui ? Anna Maria d'Alessandro. Vous, qui êtes-vous ? Oh, bah, John Mercer, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, j'essaie de m'endormir. Oh non, c'est pas ça. Je veux dire, dans mon... Quoi, vous ne m'attendiez pas? Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Je voulais savoir si j'avais des visions. Vous avez bu un tantinet, on dirait. Non, madame. J'ai bu beaucoup, au contraire. Jeanne, je vais te dire quelque chose au sujet de demain matin. Je crois pas que 6 heures... Je vais te dire quelque chose à propos de demain matin. John, il n'y a pas quelqu'un dans ton pajot. Il y a quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu avais à me dire? C'était sûrement une chose très importante que je viens de dire. Je me rappelle pas ce que c'était. Qui est-ce? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fait là? John, tu n'as pas du bicarb. Je te demande pardon, je m'attendais pas. Il ne sait pas du tout qui c'est. Alors pourquoi est-elle dans son plumage? Il n'en sait rien non plus. J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as dit? J'en sais rien. C'est ce que tu nous as déjà dit. Quoi? J'en sais rien. Bon, si tu sais rien, pourquoi tu ne passe pas si vite, tous les deux. Vous m'embrouillez. Voyons, tu as dit... Écoute, Kurt, ouvre tes oreilles. On va reprendre au début. Je vous en prie. Je suis en route depuis l'aube. Je voudrais essayer de dormir un peu. Pas vous? Dans sa jeunesse, Hawks a construit des avions qu'il a piloté lui-même, a construit des autos de course qu'il a piloté lui-même, et il avait, disons, une pulsion vers la mécanique très forte. Deuxièmement, c'était l'un des rares types à Hollywood qui était vraiment cultivé. C'est-à-dire qu'il connaissait à fond la littérature. Il n'a pas découvert Faulkner comme il l'invente, mais enfin, il est un des premiers à avoir compris l'importance de Faulkner, Conrad, des gens comme ça, qui sont des écritures extrêmement faites sur l'engrenage et la structure. Et également, il s'intéressait au cinéma et au théâtre sur ces processus de contamination, je dirais, mécanique des choses. C'est-à-dire que c'est que la mécanique finit par engrainer d'autres mécaniques à côté et elles finissent par se rencontrer, soit se détruire pour construire autre chose, soit au contraire, disons, se fusionner vers un élément. Bon, alors moi je crois que le meilleur exemple à donner pour la folie de ce genre de cheminement et de parcours, je prendrais Redline, où ces personnages accrochés à leur voiture de course, l'un d'eux finit par devenir un élément de la voiture de course, vu qu'il a eu une main arrachée et il conduit avec une main mécanique, et c'est le dernier plan du film. Je veux dire qu'à ce niveau-là, on est dans les mutants. Bon. Et alors sur le plan, disons, de notre sujet-là, la comédie, je crois que le plus évident de tout, c'est peut-être celui, si vous le voulez bien, sur lequel on peut s'attarder, c'est « Les hommes préfèrent les blondes ». Où là, vraiment, on a deux personnages totalement différents, cette brune et cette blonde au départ. On a un tas de mécanismes mis en route, l'une le mariage avec un milliardaire, l'autre cherchant un homme normal, un costaud, qui lui ressemble à elle, qui est justement, qui a un côté un peu travelot, le personnage d'Anne Russell, quand elle s'habille en Marilyn Monroe dans le film, ça fait très travesti, là justement. Et que ces engrenages-là vont arriver à... soit faire comprendre au spectateur que les valeurs que défendent, soi-disant, chacune de ces deux filles sont les fausses valeurs, que leur vérité qui a engrainé tout cela va apparaître à la fin, et que finalement l'idiote devient la plus intelligente, Marilyn Monroe, et que celle qui est la plus intelligente devient la plus banale, qui est Jane Russell, parce que les mécanismes empêchent absolument qu'il y ait ce hasard, qu'il y ait ces coups de théâtre, qu'il y ait ces happy end classiques, qu'il y ait le côté romanesque, romantique, ils refusent. I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. C'est pas cynique, parce que ces femmes ne sont pas vénales. Même quand elles ont un but dans Les hommes préfèrent les blondes, elles sont prêtes à se laisser distraire de ce but. On ne peut pas dire que Marilyn soit une femme inquiétante, dangereuse. Ces femmes ne sont pas dangereuses. Elles ne sont pas dangereuses pour l'homme. Je trouve pas. Elles sont justement difficiles à attraper, mais elles ne sont pas dangereuses. Elles ne sont pas des mangeuses d'hommes. Elles ne sont pas des dominatrices. Elles sont équipées, elles sont fortes, elles sont constituées. Mais ce ne sont pas des dominatrices, ce ne sont pas des mégères, jamais. Jamais. Elles sont séduisantes parce qu'elles sont folles. Elles sont folles. En tout cas, elles ne partagent pas les idées des hommes et les hommes ne les en détournent pas. Je trouve ça exquis parce qu'elles vous emmènent là où vous n'iriez pas de vous-même. Elles vous dépaysent. Elles sont enrichissantes. Alors, attends. Oui, moi. Bon, Amélie dans les doux nénés. Ça rechange. Doux nénés de nounou. Attends. C'est à chaque fois qu'il y a une répétition. Amélie. Oui. Donc on reprend. Oui. Attends. Toi tu dis Mélanie. Non, moi je dis Mélanie, l'amie d'Amélie. Et toi tu dis Amélie dans les Dounénés. Dounénés de nounou moulé. Moulé. Alors là, ça continue parce qu'il n'y a pas de. Hein. C'est la même personne. Dans des molles, laine lamée. Et mêlée. Milanée. Amélie, dont les nénés doux. Ça, c'est pas un autre, ça. Ouais, non, ah parce bon. Qu'il n'y a pas de répétition. Amélie, on donnait à l'ami Milou. Oui. Milou, le dadé de Limou, l'idée d'amener des minous. Ah, des minous. Tu piges ? Pas vraiment. C'est trop compliqué, mon truc ? Oui. Oui, mon Douminet, la Mini. Oui, la Mini et la Manie. Et la Manie de Mélanie. Mélanie, l'amie d'Amélie. Amélie, dont les doux nénés. Doux nénés de nounou moulés dans de molles laines lamées et mêlées de lin milané. Amélie, dont les nénés doux ont donné à l'ami Milou. Milou, le dadais de Limou. L'idée d'amener des minous. Des minous menus de Lima miaulant dans des dés de Dama et dont les mines de Lama donnaient mille idées à Léda. Léda, dont les dix dents de lait, la Mini. Les mâles mollets d'un malade mendiant malais dînant d'amibe amidonné, mais même amidonné, l'amibe. Même l'amibe malhabile, emmiellé dans la bile humide, l'amibe amimine le bide. Et le dit malade adulé, dont les dalles limaient les mollets, indûment le mal a donné. Dame les dalles y a aidé. Ah là là là là là, quel mélimélo, dit. Ah là là là là là là. Quelle mélodie. Je crois que ce jeu de la mécanique ne peut exister avec la force qu'il a pour le spectateur que par un choix cinématographique, la part de style, que Hawks manipule extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros plan qui ne vienne sans une raison d'être. Il n'y a pas des mouvements de caméra inutiles. Tout se passe comme si chaque élément, chaque petit vecteur, si l'on veut, qu'il met dans sa machine, ou chaque rouage, n'existe que pour que l'autre l'enclenche. Bon, vous me direz, c'est tous les grands cinéastes, d'accord. Mais là, c'est très effrayant, parce que dès qu'un film de Hawks ne peut pas être fait comme il le veut, dès qu'il a un problème et qu'on lui retire un tournage, il retire son nom du générique, il laisse finir par un autre, et on voit que c'est un film raté. Et comment tournait-il ? Je crois que c'est important, c'est qu'il savait très très bien qu'au départ, il avait un cadre, des personnages, des situations, des mots, le point de départ, et où voulait en venir. Et il avait peur des comédiens. Comme il a peur des comédiens, il les faisait répéter, vous savez comme on dit en termes de théâtre à l'italienne, sur le plateau. Il disait, si vous avez d'autres choses à me dire, dites-le. Et il vidait les comédiens complètement de leur pulsion, de leur envie de faire des choses et tout, jusqu'au moment où tellement vidés, ils pouvaient reprendre dans ce qu'ils voulaient des petites choses et fonctionner exactement comme ils voulaient. Au lieu d'avoir une attitude très autoritaire à la von Sternberg en disant, tournez la tête à gauche, à droite, faites comme je vous dis, ou à la John Ford en disant, si je dis comme ça et pas autrement, Hawks avait l'air de laisser une liberté totale, une mécanique décousue. Mais en fait, cette mécanique décousue, il l'utilisait avant le tournage, et ainsi, il pouvait avoir tous les éléments qu'il pouvait ajouter, disons, comme des fioritures ou comme un graissage de plus, disons, à sa mécanique. Et ça, je crois, c'est un de ceux qui avait un secret là-dessus, qu'il est très difficile d'ailleurs de trouver. Et dans la comédie, bien sûr, alors là, c'est formidable, parce que jouant sur la psychanalyse, jouant sur le désir de pouvoir, jouant sur la dualité homme-femme, bon, c'est du gâteau. Et c'est un gâteau superbe, et il y va. D'ailleurs, si on pouvait aller très loin dans la lecture des comédies de Hawks, je crois qu'elles sont, d'une manière très charmante, les plus vulgaires que l'histoire du cinéma nous ait montrées. Oh non, c'est pas un réac. Ah non, pas du tout. Non, parce que il n'est pas pour la guerre. Absolument, il a cessé de parler de la guerre en 1943 avec Air Force. Il n'est pas revenu. Il n'est pas pour la volonté de puissance, parce que ces hommes ne l'incarnent pas. Il n'est pas contre le capitalisme, puisque beaucoup d'actions de ces films sont situées dans un monde de millionnaires. Mais ça n'est jamais méchant. Les millionnaires, pour lui, sont d'aimables fous, qu'on peut très bien renverser, qu'on peut très bien manipuler, qui sont dupes de n'importe quelle fille venue du dehors. Une journaliste, une aventurière, une fille qui n'est pas intéressée par eux, mais qui va l'être graduellement, dont eux auront besoin. Non, c'est tout sans faire un actionnaire pour moi. C'est un homme en avance. C'est un anticonformiste, ça c'est évident. Le charme de ces personnages tient à leur anticonformisme. La fraîcheur, la vivacité, ils décapent les rapports. Can I help you, sir? Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track like the Maltese Falcon. Oh, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make. Mind if I look at it? Les hommes chez lui sont moins équipés, un peu défaillants. Alors on peut y voir de l'indulgence, on peut y voir de la lucidité. Il y a d'ailleurs aussi de la tendresse pour ces personnages masculins. Mais je crois qu'il y a surtout une grande tendresse, il y a une grande tendresse pour le couple, et il y a une grande tendresse pour les femmes. Je crois que moi j'ai été époustouflé par les dialogues, alors là encore en VO, de To Have and Have Not, Le Port de l'Angoisse. Je crois que ce sont les dialogues entre un homme et une femme les plus insolents, les plus crus, les plus libres, et puis après on se dit les plus justes, les plus chaleureux, les plus bourrés de tendresse cachée. Les dialogues de To Have and Have Not sont une splendeur, ils sont en grande partie de William Faulkner. Moi, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire, j'ai mis ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, j'ai arrangé tout ça, j'ai dirigé en chef d'orchestre, mais moi, ce n'est pas mon histoire, ça n'est pas moi que je raconte. Amusez-vous, c'est tout. Et ça, c'est le comble, disons, du narcissisme, parce qu'en fin de compte, on sait très très bien que quand un cinéaste travaille comme ça, c'est qu'il sait qu'il se met trop dans ce qu'il fait. On parlait de Brecht, mais quand on lit l'œuvre de Brecht, monter toujours avec distanciation au théâtre, c'est Brecht qui se raconte complètement. Il n'y a qu'à lire son journal de travail pour se rendre compte à quel point c'est lié. Et Hawkes, dès qu'on avait des interviews avec Hawkes, où il était un peu plus bavard que d'habitude, un peu moins menteur, on se rendait compte à quel point il était impliqué. Mais cette espèce de mise en scène presque froide, distante, c'est toujours cadré d'assez loin, en plan américain, presque classique en apparence, c'est la meilleure manière de se protéger pour ne pas se dire « je suis un auteur ». Il savait très bien qu'il était un auteur, mais il connaissait Hollywood. Là, si vous voulez, c'est comment être un auteur par la mise en scène et pas autrement. Cette froideur, je crois que cette distance, c'était aussi une sorte, disons, d'honnêteté du spectateur. Parce que vous savez, c'est toujours facile de dire au spectateur, voilà, tu es Alain Delon, hein, tu ne vas pas faire de casse, tu ne vas pas tuer quelqu'un, mais c'est ton histoire, regarde. Et puis, alors là, on est comme ça, on dira, je pourrais être Alain Delon, je suis moi et tout. Là, c'est tellement une chose ridicule qu'on est gêné d'être même et la distanciation s'accentue. Et c'est les sentiments qui sont les mêmes, mais non plus les comportements. Et quand on est sur les sentiments, bon, c'est une phrase un peu prétentieuse, mais enfin, on se pense historiquement, comme dit Godard. Et il est vrai que devant les films de Hawks, on se pense qui on est, nous, par rapport à des sentiments identiques et pas à des situations. Alors que tout le cinéma hollywoodien d'une période était même dans des situations qu'on aurait aimé vivre. Et ça, Hawks, par cette distanciation, l'en empêche. Femme, logique et folie, comédie de Howard Hawks. Une production de Michel Cazenave avec Noël Simsolo et Gilbert Guèze. Texte extrait 2, conte choisi de Mark Twain, Le musée des erreurs ou le français tel qu'on le parle, Kurnonsky et Bienstock, édition Albin Michel. Et Bobby Lapointe, Jacques Donzel, édition Segers. Lu par Claire Viret, Enrico Di Giovanni, Patrick Carl. Prise de son et mixage, Geneviève Nguyen, Jean-Louis Boissonnade, Cyril Bécu. Réalisation, Mireille Krauss. La place qu'on accorde à Howard Hawks en France tient à ce qu'on le considère comme un auteur. Et c'est un auteur. Producteur, scénariste, réalisateur, c'est un auteur complet. Lui ne s'est jamais gargarisé de cela, mais chacun de ses films tient la route et on s'aperçoit qu'il est le maître du film à tous les niveaux. Il s'est assez peu exprimé à titre personnel, mais une des rares choses qu'il ait dites sur son métier, il disait « un bon metteur en scène est celui qui n'ennuie pas ». À cet égard, il a brillamment réussi. Je crois qu'aucun de ses films ne révèle de velléité, d'hésitation ou d'erreur sur le sujet, ou sur le traitement apporté au sujet. Je crois qu'en fait, il était à la recherche de l'harmonie, parce que c'est vrai que ces films qui sont très... ces lignes d'action sont très contrariées. C'est encore une fois une de leurs qualités scénaristiques. Mais à la fin, ça se met en place et aucun des protagonistes n'est réduit. Il n'a mangé l'autre. Il n'a eu raison de l'autre. Le couple se rejoint. Et je crois qu'il était pour la recherche de l'harmonie. Et on a cela, chaque fois, on est soulagé à la fin de ces films. On est physiquement soulagé parce qu'on dit « enfin, ils se connaissent, ils se comprennent et ils se prennent pour ce que chacun de l'autre est. » Avant que vous n'alliez plus loin, je crois devoir vous dire que vous n'êtes pas seul. Comment vous appelez-vous ? Pour les amis, Dallas. Qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? John, je veux dire quelque chose. John, c'est Dallas qu'on a cherché ensemble tout l'après-midi. Eh bien, si tu veux savoir... Oh, John! Tu sais ce qu'on a cherché ensemble tout l'après-midi? Elle est dans ton lit. Pockets, dehors. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ton lit? Disparaît. John... On s'est marié cet après-midi. C'était Les Comédies de Hawks, un mardi du cinéma de Michel Cazenave, avec Noël Simsolo et Gilbert Guez, diffusé la première fois le 24 décembre 1985 sur France Culture. Réalisation Mireille Kraus. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Oh,